Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir à l'émission, Musica Latina y otro cocktail soleado, donc des musiques d'inspiration latine. On entendra des trucs de Colombie, du Pérou, de Cuba, de Panama, des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de Suède, de la Hongrie et du Japon. Alors, sans plus tarder, place à la musique. Thank you.

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand, au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans le premier bloc Sin Motivo du collectif suédois Cumbia Sound. C'est extrait de leur plus récent album La Machina, qui est paru un peu plus tôt cette année. Ça a été précédé de La Bella Isla du collectif londonien Malfino. C'est extrait de leur album Visit Malfino, qui est paru en 2018. Et on a débuté le bloc avec Curao du groupe colombien Bayuco. C'est extrait de l'album PTA, qui est paru plus tôt cette année. Alors, on poursuit avec Primitiva de OG Colon. Marihuana, cha-cha. mariót olandezik. Táncolják marihuana, cha-cha-cha. Marihuana, csodás ritmus. Marihuana, marihuana, marihuana. Szállodol, rozáriótól antezik. Csak ez jár, marihuana, csa, csa, csa. Csa, csa, csa. Bárbaro. Bobo loco allá. Kiki. Sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Tiene un ritmo que arrebata esta zampa que me roba el corazón. Bossa nova, Uba, bossa, bossa nova. Cubanita primorosa, juguetona y deliciosa. Bossa cubana. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana. Bossa cubana. Con su suave movimiento, tan ligeros como el viento. Bossa cubana. Que me excita y me fascina, que me lleva y me domina. Bossa cubana. ¿Cómo? limón. Noche luminosa de esta tierra tan hermosa. Moza cubana. Como el beso de una moza coquetona y amorosa. Moza cubana. Hay sabor y melodía, tiene fuego y alegría. Moza cubana. Tiene un ritmo que arrebata esta samba que me roba el corazón. C'est à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Beaubriand, au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans ce deuxième bloc Bossa Cubana du groupe cubain Los Zafiros. C'est extrait d'une compilation Bossa Cubana 1961-1964, une compilation parue en 1989. Los Zafiros est un groupe d'harmonie vocale cubain qui est influencé par le doua. Ça a été précédé par Babara Batiri, du chanteur et compositeur cubain Benny Moré. C'est extrait de El Sonero Mayor de Cuba, un disque paru en 2020. Juste avant, vous avez entendu Marihuana Cha-Cha-Cha, une pièce de 1958, par la chanteuse hongroise Steffi Akos. C'est extrait de la compilation Burlesque Swing Selected by Bart and Baker, une compilation parue en 2011. Et on a débuté le bloc avec Primitiva, du percussionniste américain Audie Collin. C'est extrait de son disque Chant of the Jungle, qui est paru en 1960. Comienzo yo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Yeah. pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. ¡Huevaje! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Mari Belén, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, ay, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. No más que me gusta la comida que él me cocina, el chiviri. No más que me gusta la café que ella me cuela. No más que me gusta la comida que él me cocina. No más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Ay, nada más que me gusta la comida que me cocina. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Estoy tan enamorado, mami, de la negra Tomasa. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Kikiribú, kikiribú, kikiribú, no, no, no, no, no. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Anda. ¡Ah! Ahí nada más. Azúcar. Cocina esa negra, Tomasa. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Ay, nada más que me gusta la café, Mari Belén, que ella me cuela. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Que chiviri, que chiviri, que chiviri, que chiviri, que chiviri, que chiviri, mandinga. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Qué bonito y sabroso que cocina la negra Tomasa. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Ay, pistol, put the gun on the shoe. I'm in the corner on the pouring rain. Six êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix de la musique. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc Jockey Full of Bourbon du musicien américain Tom Waits. C'est extrait de son disque Rain Dogs, paru en 1985. Ça a été précédé par Bilongo, du chanteur du Panama Papi Brandao y sus Ejecutivos. C'est extrait d'une compilation Panama Tree, Calypso, Panameo, Guajira Jazz and Cumbia Tipica on the Isthmus, 1960-1975. Une compilation qui est parue en 2009. Et on a débuté le bloc avec El Pescador, la chanteuse, danseuse et compositrice colombienne Toto La Monpocina y sus tambores et ses tambours. C'est extrait de l'album Tambolero, un album qui est paru en 2015. Alors, on poursuit avec Obatala de Malcolm McLaren. Yo sé del andar, yo sé del callar cuando una tristeza mata. Yo sé del cantar, yo sé del amar si el cielo se desbarata. Yo soy el espejo añejo cuyo reflejo amenaza que su reflejo amenaza. Soy un animal complejo, pero no tengo corazón, pero no tengo coraza. Y sé del andar. Esta es la luz de la vida, yace en el centro del espacio, del universo. Viaja a través de los cuerpos sin poder, de los entes que no dejan ver. Guerreros nos chupan el alma en las venas, nos meten veneno. Baja la galaxia, alumbra en mi pecho, vibra bien y nos hace cantar, y nos hace cantar, nos hace cantar, nos hace cantar. Ciclo que se repite, marcha en secreto, la fortuna y el desacierto. Corona de luz, marcha a la oscuridad, que la sombra se devorará. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous venez d'entendre dans le dernier bloc Cumbia de la Fuente du groupe colombien Meridian Brothers. C'est extrait de Cumbia Siglo 21, un album paru en 2020. Ça a été précédé par El Cavilante, des Péruviens Dengue Dengue Dengue, cet extrait de Zénith et Nadir, un album paru en 2019. Dengue Dengue Dengue, c'est un duo de DJ et de designer graphique péruvien. On a débuté le bloc avec Obatala, du producteur et agent d'artiste britannique Malcolm McLaren, cet extrait de son album Doc Rock, qui est paru en 1983. Thank you. ella no se quiere ni mover. Yo le digo a la negra culengue, ven negrita, ven, mueve los l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air, avec Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous venez d'entendre dans ce dernier bloc Lagrima de Novia du groupe italien Addict Ameba. C'est extrait de l'album Panamor qui est paru en 2020. Ça a été précédé par La Negra Culengue du musicien colombien Abelardo Carbono. C'est extrait de son album El Maraviloso Mundo de Abelardo Carbono, une compilation de l'artiste parue en 2013. Et on a débuté le bloc avec La Boca Chico du groupe colombien Frente Cumbiero. C'est extrait de la compilation La Onda Vampi, une compilation parue en 2011. Alors on poursuit avec Suavito de Señor Coconut. Thank you. c'est déjà tout pour l'émission Les échangeurs d'air de ce mercredi. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Je vous rappelle que si vous voulez nous contacter, vous pouvez utiliser notre blog échangeur au pluriel .blogspot.com ou en faisant une recherche échangeur d'air CKRL, vous trouverez le blog facilement. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc Tora Joe du groupe japonais Minio Crusaders. Ils sont accompagnés du groupe colombien Frente Cumbiero qu'on a passé un peu plus tôt. C'est extrait de l'album Minio Cumbiero From Tokyo to Bogota, un album paru en 2020. Ça a été précédé par Puerta del Sol du groupe colombien Los Piranhas. C'est extrait de leur album Historia Natural qui est paru en 2019. Et on a débuté le bloc avec Suavito de Señor Coconut, mieux connu sous le nom de Uwe Schmidt. C'est extrait de son album El Gran Baile, un album qui est paru en 1997. Alors, c'est ce qui conclut les échangeurs d'air pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine.